She sings very well. Elle chante très bien. Isn't it nice? Very nice. Elle chante très très bien. Yeah. Clap your hands. Acclame. Yeah. I never knew there was anybody who could sing like me this way. Je n'ai jamais su qu'il y a quelqu'un qui pouvait chanter comme moi. Are we blessed? Est-ce que nous sommes bénis? Do you feel that something is happening to you? Est-ce que tu peux ressentir que quelque chose t'arrive? Can you sense a change? Est-ce que tu peux sentir un changement? You feel something is happening inside your spirit? Tu peux sentir que quelque chose se passe dans ton esprit? Yes. Oui. So, I want you all to take out your notes. J'aimerais que vous sortiez vos cahiers, les notes que vous avez pris. Yeah. Oui. We are going to read the points. Nous allons lire les points. Hallelujah. Hallelujah. There's a little feedback if you can work on it for me. So we are starting from the top. Nous allons commencer à partir du début. 10 things, 10 points you should know about your destiny. 10 points que vous devez savoir par rapport à votre destinée. The first is that a little one shall become a thousand. Le premier est que le plus petit deviendra un millier. Let's all read it. One, go, look into your notes and read it. What's the first point? Lisons ensemble, quel est le premier point? Again. Encore. Amen. Amen. Number two. Point deux. You are destined to be conformed to the image of Christ. Conformé à l'image de Jésus-Christ. Again. You again. Tu es destiné à être conformé à l'image du Christ. Let's all say it together. One, go. Amen. Amen. And I'm sure you know the image of Christ. Vous connaissez l'image du Christ. How Christ looks like. À quoi ressemble Christ? Yes. Honor, riches, glory, power, blessings, strength. L'honneur, richesse, puissance, gloire, la richesse, la force. Number three. Point numéro 3. You are destined to be Jesus' brother, not so? Tu es destiné à être le frère de Jésus, n'est-ce pas? Yes. Read from your notes. One, go. You are destined to be Jesus' brother. Tu es destiné à être le frère de Jésus. Is it not powerful to have an important family member? Est-ce pas puissant d'avoir un membre de famille? A very powerful family member. Un membre de famille très puissant. Jesus Christ is your brother. Jésus-Christ est ton frère. Wow! Some of us would be very happy to mention the president of your country as your brother. He's your big, he's your family. Certains parmi vous seraient contents si vous dites le président est votre frère. But this time, Jesus Christ is your brother. Mais cet homme-ci, Jésus-Christ est votre frère. Number four. Point numéro 4. Your destiny is to be outstanding, striking or conspicuous. Ta destinée est à être remarquable, frappant et évident. Wow. Oui. Let's take it from our notes. One, go. Again, it's not clear. C'est pas clair. Again. Et évident. Évident, attractif. Évident, attractif. Receive évident, attractif. Recevez le fait d'être évident et attirant, attractif. Everybody in your city or town will talk about your church. Toute personne dans ta ville, dans ton quartier va parler de ton église. The name of your church will be on a lot of cars in your city or your town. Le nom de ton église sera inscrit sur beaucoup de voitures dans ton quartier. Your destiny is to be a great source of inspiration, direction, and light. Ta destinée est supposée être une grande source d'inspiration, la direction et la lumière. Again. Again. You will be a source of inspiration. Vous serez une source d'inspiration. I already can see a lot of people coming to your church because they just like your church. Je peux voir beaucoup de personnes déjà en train de venir dans votre église. Your number seven, your destiny is to be spiritual whilst on earth. Point 7, ta destinée est d'être spirituel alors que tu es sur terre. Again. Encore. Yes. While you are on earth. Alors que tu es sur la terre. Living a physical life. Vive une vie physique. As a student. En tant qu'étudiant. As a businessman. En tant qu'homme d'affaires. As a wife. En tant qu'épouse. As a worker. En tant que travailleur. On earth, practically. Sur la terre, de manière pratique. Using earthly money. Utilisant la monnaie ou bien l'argent terrestre. Driving earthly cars. Conduisant des voitures terrestres. You will also be spiritual. Tu seras également spirituel. That is your destiny. Voici ta destinée. Because it says he has raised us up to sit together with Christ in heavenly places. Il a dit, il nous a levé pour nous faire asseoir avec le Christ dans les lieux célestes. So when you go back to your city, donc quand tu retournes à ta ville, you will be in Lomé. Tu seras à Lomé. You will be in Cotonou. Tu seras à Cotonou. But it will be heaven on earth. Mais ça sera les cieux sur la terre. So if it is not happening, donc si ça ne se passe pas, it must be your vision to let it happen. Ça doit être ta vision pour que ça s'accomplisse. Amen. Amen. Your destiny is supernatural closeness to God to the extent of mariage. Ta destinée est la proximité extrême à Dieu jusqu'au point du mariage. That's the next point. C'est le point suivant. Your destiny is a supernatural closeness. Ta destinée est une proximité surnaturelle to God, à Dieu, to the extent of marriage. Au niveau bien jusqu'au mariage. Let's repeat it. Look, read it from your notes. One go. Lisez à partir de vos livres. Again, say it. So, as we read it, if your points are not clear, you can correct it now. Alors que nous lisons, si vous n'avez pas bien écrit, corrigez-les en même temps. Répétez, s'il vous plaît. Yeah. Jusqu'au point du mariage. Jusqu'au point du mariage. Amen. To the extent. Jusqu'au point. Of marriage. Du mariage. And when you are married, quand tu es marié, you are close. Tu es proche. You belong to each other, even if you've traveled. Tu appartiens de l'un à l'autre, même quand tu voyages. So you cannot travel from your country, and when you go to the other country, you forget that you are a part of Mission Internationale Jésus qui guérit. Tu ne peux pas voyager de ton pays, aller dans un autre pays, et tu oublies que tu fais partie de la Mission Internationale Jésus qui guérit. Yeah. Are you aware there are people when they travel they forget that they are members of mission? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des gens quand ils voyagent ils oublient qu'ils font partie d'une famille? Yes, and we are saying that your destiny is to be so close to God. Nous disons que votre destinée est d'être proche de Dieu. That when you travel, même quand vous voyagez, wherever you are, où que vous soyez, you are married to God. Vous êtes marié à Dieu. Yes. Some of you are strong and powerful shepherds and believers in Cotonou. Certains parmi vous êtes des bergers très forts et puissants à Cotonou. But when you go to Paris, you change to become an unbeliever. Quand vous voyagez à Paris, vous changez, vous devenez un incrédule. Lift up your right hand and say, I am married to God. I am married to God. Levez vos mains droites et dites, je suis marié à Dieu. Je suis marié à Dieu. Yes. You don't travel and when there's no one there, you're not a Christian. Vous ne voyagez pas et s'il n'y a personne à cet endroit, vous n'êtes plus chrétien. Number 9. Point numéro 9. Your destiny is to be a glorious church. Votre destinée est d'être une église glorieuse. Say it again. My destiny is to be a glorious church. Say, my destiny is to be a glorious church. Dis, ma destinée est d'être une église glorieuse. Yes. So if your church is not glorious, fine. But your vision now is that you are moving towards a glorious church. Si ton église n'est pas glorieuse, bien. Mais ta vision doit être que tu es en train de bouger vers une église glorieuse. Before you came, your church was not a glorious church. Avant que tu n'arrives, ton église n'était pas une église glorieuse. But now the vision is that your church will be a glorious church. But maintenant la vision c'est que ton église sera une église glorieuse. Yes. And Bishop read Ephesians 5:27 that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. L'évêque a lu à partir d'Éphésiens chapitre 5, verset 27, que la beauté est grandement affectée par les taches et les rides. Yes. Oui. So, are you all listening? Est-ce que vous m'écoutez tous? What is your destiny to be what? What? Une église glorieuse. Quelle est votre destinée? C'est de devenir une église glorieuse. Une église glorieuse. And how do you become a glorious church? Comment peux-tu devenir une église glorieuse? Bishop taught us to remove the spots and the what? Wrinkles. L'évêque nous a appris à enlever les taches et les rides. The two things that affect beauty are spots and what? Wrinkles. Les deux choses qui affectent la beauté, c'est les taches et les rides. That's why sisters use, what do you call it? Foundation. What? Foundation. And voilà what? Pourquoi les sœurs se maquillent. Ils font les maquillages, la fondation, le fond de teint. So when the sister uses the foundation, she looks very different. Quand la fille ou bien la dame utilise le fond de teint, elle apparaît différemment. Yeah. Because without the foundation, your face is like a leopard. Parce que sans le fond de teint, ton visage ressemble à un léopard. So it is the sisters who are teaching us that you can't have beauty with spots. Donc c'est les femmes alors qui nous enseignent que tu peux pas avoir la beauté sans des taches. And what are spots? Spots are sins. Avec des taches. Quelles sont les taches? Les taches sont des péchés. Sins. Des péchés. Unrighteousness. L'injustice. When they come into a church, the church doesn't look beautiful again. Quand ça vient dans l'église, l'église n'a plus l'air beau. Yes. And the other thing are what? Wrinkles. Et les rides également. Wrinkles, Bishop said, they are the first signs of aging. L'évêque a dit que les rides sont les premiers signes de la vieillissement, de la vieillesse. You see that when you smile, when you are very young and you smile, your face is nice. But as you are growing, when you smile, you see wrinkles around here. You say, it's happening. Something quand tu happening. Es plus jeune et puis tu souris, ton visage est propre, mais quand tu vieillis et puis tu souris, tu vas voir des rides sur ton visage. So in our church, to have a glorious church, dans notre pour avoir une église glorieuse, we have to remove all the things that make us look old and tired. Nous devons enlever toutes choses qui nous font apparaître vieilles. Even if you are growing, even if you are 40 years, 45, 35, 50 years, you can be 50 years and still look young and energetic. Mais yes. Même si vous avez 30 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, vous devez toujours avoir l'air très jeune et énergétique. Yes. And please listen. One of the most important signs of Mission Internationale Jésus qui guérit is that the church will be a church of energy and strength and power L'un de l'importance de l'église, la mission Jésus qui guérit, c'est que ça doit être une église de puissance, de force et de l'énergie. And one of the ways you see it is how you do outreaches. Et l'une des manières par laquelle tu peux voir cela, c'est la manière de faire des croisades. As you are getting old, alors que tu vieillis, so even naturally, when a person is getting old, one of the things you associate with age is that you don't have children. L'une des choses qui se passe quand tu vieillis, yes, c'est que tu n'as pas d'enfants. Yes. Old men don't have children. Les vieux hommes et femmes n'ont pas d'enfants. Old men, old women. That's why even the story of Abraham and Sarah is a very powerful story. Voilà pourquoi. Because it's not normal. L'histoire d'Abraham et Sarah était tellement puissante, c'est pas normal. So when you also are in a church, you don't do outreaches, no crusade, no evangelism. It means that you are developing wrinkles. Donc quand tu es dans l'église et tu fais pas de croisade et d'évangélisation, ça veut dire que tu es en train de développer des rites. And we don't want that in mission international. Jésus qui guérit. On ne fait pas cela dans mission internationale. Jésus qui guérit. That is our destiny. Voici notre destinée. So as we live here, alors que nous quittons ici, remember, rappelez-vous, that we are going to remove the sins, the fornication. They said they saw some people in the dark somewhere. You know, something funny. We don't know what you are doing. A boy and a girl at the corner. Rappelez-vous, so we are removing all that. So we'll be beautiful in the church. Rappelez-vous qu'alors que nous quittons ici, nous allons enlever tous ces péchés, fornication et tout dans l'église. And one of our major characteristics now is that we are going to be giving birth to souls. New converts, members, souls, new converts, members. More. Et l'une de nos plus grandes caractéristiques, c'est que nous allons porter plusieurs enfants, plusieurs âmes. Please be seated. Are you ready for vous asseoir? Est-ce que vous êtes prêts? Wonderful. Vous êtes prêts pour quelque chose de très puissant? Have we had a good time this week? Est-ce que vous avez eu un très bon moment? Are you not going back excited? Est-ce que vous n'allez pas retourner excité? This morning you are going to hear more fantastic things. Ce matin vous allez entendre so des choses clap plus your fantastiques. Hands for Jesus. Acclamez Jésus-Christ. Let's receive our daddy. Et recevons Bishop notre père.